die sogenannten Christen, die dich deine Familie nennen, wann werden sie das verstehen? Les soi-disant chrétiens qui s'appellent, qui se nomment votre famille, vos familles, quand est-ce qu'ils sont capables ou bien prêts à comprendre ce verset? We don't hate them, we love them. Wir hassen sie nicht, wir lieben sie. On les déteste pas, on les aime. If we hate them, we will choose them. Wenn wir sie hassen würden, würden wir sie wählen. Si on les détestait, on allait les choisir. Instead of that, to rejoice that we choose Christ. Anstatt sich zu freuen, dass wir uns für Christus entschieden haben, ist immer wieder ein Kampf. Au lieu que pour eux qu'ils puissent se réjouir qu'on est en train de choisir Jésus-Christ, mais non, ils sont toujours en train de nous combattre. Look at Christ's word. What he said by himself. Look at it. Jesus Christus hier selbst sagt. Regardez vous-même ce que Jésus-Christ a dit lui-même. It's not Satan that is speaking here. Das ist nicht der Satan, der zu ihm spricht. C'est pas le diable qui parle ici. Are you getting it? It's not demons that are speaking here. C'est nicht Dämonen, die zu ihm sprechen, sondern Christus Jesus. C'est pas un démon qui parle ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. It's not what they call sects that is speaking here. Nicht das, was man Sekte nennt, spricht hier zu ihm. C'est pas une secte qui parle ici. He said, "Think not that I'm come to set peace on earth. I came not to set peace, but a sword." Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foe shall be they of his own household, the family. Il dit ici, verset 34 à 36, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter la paix, mais la glaive. Je suis venu mettre en lutte le fils avec son père, la fille avec sa mère, la belle-fille avec sa belle-mère. On aura pour ennemi les gens de sa propre maison. » No wonder I said get out of them. Kein Wunder, dass er sagt, wir sollen rauskommen aus ihnen. Et c'est pour cela que je comprends quand il dit que sortez de leur milieu. They are vessels for Satan. Sie sind Gefäße des Satans. Parce qu'ils sont, ils sont une voix pour le diable. If you allow yourself to be a vessel for Christ, you'll be a vessel for Satan. If you allow yourself to be a vessel for Christ Jesus, you will be a vessel. It's automatic you will be a vessel for Satan. Wenn du zulässt, dass du ein Gefäß für Christus Jesus bist, wirst du automatisch ein Gefäß des Satans? Nein. Wenn du nicht zulässt, Ach so, nicht, okay, ich wollte sagen, sein Gefäß. Nochmal sechs Mal. Also wenn du nicht zulässt, dass du ein Gefäß für Christus bist, dann bist du automatisch ein Gefäß des Satans. Okay. Et donc, on doit comprendre que si tu ne permets pas l'éternel, tu ne veux pas être un vaisseau ou bien une voix pour l'éternel, pour Jésus-Christ, tu seras automatiquement une voix pour le diable, un vaisseau pour le diable. Are you getting it? It's a husband against wife. Ehemann gegen Frau. Mari contre sa femme. A wife against husband. Frau gegen Mann. Femme contre son mari. Parents against their children. Eltern gegen Kinder. Oui, les parents contre leurs enfants. Amen. Mm. Brothers against sisters, sisters against brothers. Brüder gegen Schwestern, Schwestern gegen Brüder. Mm. Les frères contre les sœurs contre les frères. Except if they both choose the only true God. So, wenn sie sich then there is peace. Beide für den wahrhaftigen Gott entscheiden, dann herrscht Frieden. Mm. Donc, sauf si eux, les deux parties, sont en train de choisir la bonne route de Jésus-Christ, là ils ont la paix ensemble. For you that choose Christ, don't be sad for choosing Christ. That you know there is sad in the family, don't be sad about it. Für du, der sich für Christus entschieden hast, sei nicht traurig darüber, dass es ein Schwert in der Familie gibt. Amen. Pour toi, ceux qui choisit Jésus-Christ, qui choisit l'Éternel, ne sois pas triste qu'il y a que l'épée est venue. Rejoice that you are able to choose him. Freu dich darüber, dass du dich trotz all der ganzen Sachen für ihn entscheidest. Par contre, réjouis-toi parce que tu es capable de choisir Jésus-Christ, peu importe comment les gens sont en train de lutter contre toi. If one chose the only true God, and the other not, there will be division. Wenn eine Person den wahrhaftigen Gott anerkennt und den anderen nicht, dann wird es eine Spaltung geben. Es ist eine gute Spaltung. Donc, si une personne est en train de choisir Jésus-Christ et l'autre choisit le diable ou quelque chose d'autre, c'est bien qu'il soit une division. Don't be sad about you that choose Christ. Und sei du, der sich für Christus entscheidet, nicht traurig darüber, über die Spaltung. Et toi, la personne qui est en train de choisir Jésus-Christ, ne sois pas triste à cause de cette division. Because that you are able to choose Christ, you are also choosing for him or her. Weil dass du in der Lage bist, Christus zu wählen, damit wählst du nicht nur für dich, sondern auch für sie. Parce que le fait que tu es en train de choisir Jésus-Christ, tu es en train de choisir Jésus-Christ aussi pour l'autre côté, la personne qui ne veut pas venir vers le Christ. Anytime there is any communication or anything at all, be ready that it's all about Christ. Sobald es einen Austausch gibt, sei bereit, Christus zu geben. Donc dès qu'il y a une compagnie, que tu es en compagnie ou bien tu as un assemblée ou bien je sais pas que tu es avec quelqu'un d'autre, tu dois toujours être prêt à donner que le Christ, seulement Jésus-Christ. The Bible says rejoice in all. Die Bibel sagt, freu dich in allem. Amen. La Bible nous dit qu'on doit se réjouir en tout. Amen. Rejoice in all. In allem sollen wir uns freuen. Réjouissez-vous en tout. Let's go to the, you know, Luke version of it. Luke 12. Luke 12. On va lire la même chose dans la version de Luc, Luc 12. Praise the Lord. Luke 12. Lucas 12. Luke 12. The Bible says, you know, they are going to persecute you. A wife will persecute the husband because he chose Christ. Mm-hmm. The husband will persecute the wife because he chose Christ. Mm-hmm. It's a very joyous in persecution. Mm-hmm. He did not say beside. Die Bibel sagt, Verfolgung ist garantiert. Nein, ein Ehemann wird eine Ehefrau verfolgen, ein Bruder wird eine Schwester verfolgen. Das ist alles garantiert. Aber wir sollen dennoch nicht traurig sein. Donc, la Bible nous fait ici, nous dit qu'il nous, est en train de nous garantir qu'il y a, y aura une, la persécution, mais on ne doit pas être triste, on doit se réjouir. Before we come here, before we go through here, please go to Matthew. First of all, go to Matthew. Matthew 5. On va d'abord lire Matthieu 5. Deine Familie ist gespalten. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc la justice, c'est quand toi tu es en train de choisir Jésus-Christ. That you choose Christ, your home, your marriage, or whatever is divided. Mm-hmm. There's hard in it because you choose Christ. It's a blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Mm-hmm. For theirs is the kingdom of heaven. Mm-hmm. Dass du dich für Jesus Christus entscheidest und deswegen deine Ehe scheitert oder deswegen deine Familie gespalten ist, gesegnet bist du darum. Donc, seulement parce que tu es en train de choisir Jésus-Christ, tu vois qu'il y a vraiment une persécution, donc un problème dans ton mariage ou bien dans ta famille, avec tes parents, avec, oui, tes frères et sœurs. Là, il dit que heureux parce que cette persécution est pour la justice parce que tu choisis Jésus-Christ. Tu dois te réjouir en ça. Amen. In verse 11, it says, blessed are you when men shall revile you and persecute you. I shall call all manner of evil against you falsely for my sake. Because you choose me. Heureux êtes-vous lorsque vous, on vous insultera, qu'on vous persécutera ou qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Verse 12, it did not say we should be sad, it said rejoice. Mm. Mm. Sagt nicht, dass wir traurig sein sollen, mm. Wir sollen uns freuen. Et verset 12, il dit pas qu'on doit on doit être triste, il a dit qu'on doit se réjouir en soi. It said rejoice and be exceeding glad. Mm. For great is your reward in heaven. Mm. For so persecuted did the prophets which were before you. Mm. You are not the first. Du bist die erste Person, du sollst die letzte sein. Verset 12 nous dit que réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont été persécutés les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Total submission. Vollkommene Hingabe. Donc une soumission totale, je vous en prie. Don't allow anything to take you back. Lass nicht zu, dass dich irgendwas zurückzieht. Ne permettez pas qu'une chose puisse vous doesn't want it at all. Vous ramener en arrière. Amen. Amen. Let it be too late for Satan. Das ist zu spät ist für den Satan. Donc on doit vraiment permettre que ça puisse être trop tard pour le diable. Luke 12. Lucas 12. Luke 12. From verse 51 to 53. 51 bis 53. Luke 12, verset 51. He says, suppose ye that I am come to give peace on earth. You know, the word of Christ is so simple. Amen. Das Wort von Christus ist so einfach. They say, don't you. You know, the Lord never say what he did not mean. Der Herr sagt nicht, was er nicht meint. Die Leute versuchen es zu verwässern und zu sagen, er meint es nicht so. Er hat einfach... They turn into a comedian. Und es wird zu einer, zu einem Witz. Donc tu vois que l'Éternel, sa parole, c'est simple. Il y a beaucoup de gens, des religieux surtout, ils disent que oui, l'Éternel a dit comme ça, mais en vérité, il veut dire quelque chose d'autre. Non, l'Éternel est simple. C'est qu'il dit, qu'il a dit ce qu'il a dit. He says, suppose you that have come to give peace on earth. I tell you, nay, rather division. Amen. So simple. Because if one chose me and the other not, there will be division. And this division is a good division. Wenn der eine mich fehlt, it's better to are united in evil. Wird es Spaltung geben. Es ist besser, als dass beide vereint sind im Bösen. Donc, il dit ici, verset 51, simplement, il dit que pensez-vous que je sois venu établir la paix sur la terre? Non. Mais... bien pour la division. Donc c'est simple, il dit qu'il est venu pour la division. Parce que si un choisit Jésus-Christ et l'autre ne choisit pas Jésus-Christ, il y aura une division. Donc c'est même mieux être divisé en Jésus-Christ mais que être uni dans le mal. How can you bring them to Christ if you keep on being one with them? Wie kannst du sie zu Christus bringen, wenn du immer wieder eins bist mit ihnen? Comment tu veux emmener ces gens-là vers le Christ si tu es toujours continues à être un avec eux? Because being one with them means no to Christ. Denn eins mit ihnen zu sein heißt nein zu Christus zu sein. Parce que être un avec eux, ça signifie de dire non à Jésus-Christ. The only one that can bring them to himself, to Christ is Christ himself. And you are saying no to Christ. Christus selbst, aber wir sagen nein zu Christus. Parce que la seule personne qui peut dire non à Jésus-Christ, ce sont eux-mêmes. Et toi aussi, tu commences à dire, non. Surrender them to Christ. Übergebe-sie Christus. C'est pour cela que c'est mieux de dire oui à Jésus-Christ et puis tu les soumets à Jésus-Christ. How about choosing Christ? Nehmen Christus. No matter how painful it is. Egal wie schmerzvoll es ist. Für dich oder für sie. Et comment tu le fais, c'est quand toi tu les soumets vers Jésus-Christ, même si c'est pitoyable, mais ça te fait mal. Okay. He said he brought division. Er hat Spaltung gebracht. Même si c'est douloureux parce qu'il a dit qu'il emmène la division. I don't know the Bible they even have. Amen. That's what Bible they have. Moi, je sais même pas quelle Bible ils ont. He said, for from henceforth there shall be five in one house, divided three against two, and two against three. The father shall be divided against the son, and the son against the father, the mother against the daughter, and the daughter against the father. He said it before. Er hat es vorher schon gesagt. Car désormais, s'il y a cinq personnes dans une maison, elles seront divisées. Trois contre deux, deux, trois contre trois. Le père sera divisé contre son fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre tout le monde. You know, it says a mother-in-law against a daughter-in-law. You know, that this is not of the flesh, but of the spirit. Amen. You know, husband, mother-in-law, and father-in-law, daughter-in-law, they are, you know, in the natural, there's always war between them. It has been, they have the war between them. Well, that is not what Christ is talking about here. He's talking about choosing him. Yeah. Und im Natürlichen wissen wir, na, es gibt etliche Filme und Serien darüber, wie Schwiegereltern mit Schwiegertöchtern umgekehrt nicht klarkommen. Aber darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass sich einer für Jesus Christus entscheidet und der andere nicht. Und das wird Spaltung bringen. Et on sait dans le naturel qu'il y a beaucoup des parents ou bien même des belles-mères et leurs belles-filles, quand ils sont en train de se discuter, ils n'aiment pas. Mais Jésus-Christ ne parle pas de ça, il parle de l'esprit à cause de lui. Vous savez, verset 54, il dit something very interesting. Verset 54. And 55. He said also to the people, when you see a cloud rise out of the west, straight away you say, there cometh a shower. And so it is. Are you getting it? If there is division, it should give you joy. Because you are choosing Christ. It should help you to know that. Mm-hmm. Thank you, Father. Und in vielen Fällen. Despite of everything, I'm still able to say yes to you. Amen. Sagt er hier, was ganz wichtig ist, dass die Leute halt das Wetter vorhersehen können, aber Leute können nicht vorhersehen, dass die Spaltung von Christus ist, ne, und um Christus willen passiert und man sich deswegen freuen soll, dankbar sein soll, wenn man auf der richtigen Seite steht. Amen. Et verset 54, il nous dit ici que par exemple que les gens sont capables à prédire le temps, à dire que avoir le temps plus sitôt. Ils disent que oui, il y aura, ils voient une nuée, ils disent qu'il y aura par exemple de la pluie. Et c'est comme ça aussi, les gens doivent être capables à connaître, à réaliser que la division peut aussi venir de l'Éternel si l'autre part ne choisit pas Jésus-Christ. Yeah, don't be surprised of the division. Sei nicht überrascht von der Spaltung. Et c'est pour cela on doit pas être surpris à cause de la division. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know they will even want to see you as the one causing division. Und sie werden dich sogar als die Person sehen, die diese Spaltung herbeiführt. Eux, ils vont même voir que c'est toi la personne qui est en train de causer cette division. They will want to see you as the one bringing problem in the family. Dass du das schwarze Schaf, dass du Probleme bringst. Ils vont voir comme si c'est toi la personne qui emmène des problèmes dans la famille. 1 Könige 18. On va lire 1 Roi 18. Praise the Lord. Alléluia. From verse 17. And it came to pass when Ahab saw Elijah, that Ahab said unto him, art thou he that troubleth Israel? I hope you understand. Mm-hmm. Ahab is telling Elijah that he is the one troubling Israel. Du bist der sees you as the one causing the problem. Ins Unglück bringt. Du bist derjenige, der die Familie ins Unglück bringt. Ici, on voit que Ahab dit à Élie que toi ici le perturbateur d'Israël et ta famille va aussi voir comme si c'est toi la personne qui est en train de perturber la famille. And he answered, verse 18, I have not troubled Israel, but thou and your father's house, in that you have forsaken the commandment of the Lord, and thou hast followed Baal. You see it? They are, you are not the problem. But they want you to see it. They will always want you to see that you are the problem. Donc et puis Élie répondit : si je ne trouble pas, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père en ce que vous avez abandonné les commandements de Yahweh et que vous êtes allé après les Baals. Donc comme la famille va te dire que mais c'est toi qui es en train de causer les problèmes. Non. Par contre, c'est eux, parce qu'ils sont en train de rejeter la parole du Christ. Sie hassen bösartige Einheit. Ils préfèrent bösartige Einheit. Ils préfèrent une compagnie mauvaise. They always want to be one in evil. Sie wollen and they look for others to join them. Im Bösen und wollen noch mehr Leute in ihr Böses mit ein intégrieren. Donc ils préfèrent une mauvaise compagnie et ils veulent toujours intégrer une autre personne dans leur mauvaise compagnie. Christ Jesus is not telling us to do what he did not do. Aber Christus Jesus sagt uns nicht etwas zu tun, was er selbst nicht getan hat. Mais Jésus-Christ ne nous dit pas de faire ce que lui il n'a pas dû faire. Amen. Amen. He is not telling us to do what he did not do. Er sagt uns nicht das zu tun, was er selbst nicht getan hat. Il nous dit pas de faire ce qu'il lui-même il n'a pas fait. He left all. Er hat alles zurückgelassen. Il a tout laissé. He left heaven. Er hat den Himmel zurückgelassen. Il a laissé le royaume des cieux. Oh. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Including his natural family. Auch seine natürliche Familie, für dich und mich. Jésus-Christ a laissé sa propre famille dans le ciel pour toi et moi aujourd'hui. Amen. Remember Matthew 12 again. Matthäus 12, erinnert euch. Matthieu 12, rappelez-vous de ça. Amen. He rejected the natural. Because he knows Satan loved the natural. He knows Satan loved the body. And he knows he had judged the body. Don't give space to Satan. Denn er weiß, dass der Satan das Natürliche liebt. Er liebt dieses, das Natürliche zu über einzunehmen und für seine Werke zu nutzen. Wir dürfen Satan keinen Raum geben. On peut voir que Jésus-Christ, il a rejeté le naturel parce qu'il sait que le diable aime le naturel. Il utilise le naturel. Et c'est pour cela qu'il a été capable de le rejeter pour voir seulement le surnaturel. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas laisser espace au naturel. We close with Matthew 12 because of the time. Amen. Go to Matthew 12. On va clôturer avec Matthieu 12. Amen. None of us, no, we are not doing what Jesus did not. Did not even do. Wir tun nicht etwas, was Jesus nicht getan hat. On ne fait pas ce que Jésus-Christ n'a pas fait lui-même. Jesus loved his mother. Jésus-Christ, il a aimé sa mère et n'a pas détesté sa mère. Just like we love people, we don't hate them. Lieben und nicht hassen. Tout comme nous, on aime les personnes, on ne les déteste pas. But we can never be one with Satan. Aber wir können niemals eins sein mit dem Satan. Mais on peut jamais être un avec le diable. He knows Satan loves the body. Er weiß, dass der Satan den Körper liebt. Et lui, il sait que le diable, lui, il aime la chair. And we always want to go through the body. Er wird immer versuchen, durch den Körper zu gehen. Et le diable va toujours essayer de marcher à travers, et bien de nous attaquer à travers la chair. You know, then we will tell you if you love me, you will choose me. I don't choose Satan for anything. Wenn du mich liebst, würdest du mich wählen. Les gens sont capables de te dire que si tu m'aimes, tu vas me choisir. Mais moi, je ne vais jamais choisir le diable seulement parce qu'une personne dit que je l'aime. Aber ich wähle den Satan niemals. Ich wähle immer wieder Christus Jesus. Je veux toujours choisir le Christ. Amen. Amen. Matthieu 12, from verse 46. So simple. Matthieu 12, verset 46. He said, while he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without desiring to speak with him. It's so simple. So einfach. Amen. Then one said unto him, behold your mother and your brethren stand without desiring to speak with thee. But he answered and said unto them, unto him that told him. Oh, my God. You know, people will see this, you say, you speak to your mother that way in the presence of everybody. Leute würden sagen, ihn anklagen und sagen, so sprichst du zu deiner Mutter vor allen Leuten, das ist respektlos. Les gens, c'est que Jésus-Christ avait répondu ici à verset 48, les gens vont dire que mais il était sans respect. Amen. My daughter did it here the other day, outside here. He said, my family are this, not you. Because you refuse to choose Christ. If you choose Christ, you will be my family. Ja, meine Tochter hat das sogar auch hier getan vor kurzem. Sie hat ganz klar zur Welt von mir gesagt, wenn ihr Christus wählen würdet, würde ich euch auch wählen. Aber wer ihr nicht Christus Jesus wählt, kann ich euch niemals wählen. Diese Menschen, die Christus wählen, sind meine wahrhaftige Familie. Ma fille a fait ça aussi l'autre fois. Elle a dit à ces gens-là, elle a dit que ma famille et sont ces personnes qui sont ici, qui sont capables à choisir Jésus-Christ. Si toi, tu choisis Jésus-Christ, toi aussi, tu es ma famille. Mais tant que tu ne le fais pas, c'est seulement eux qui sont ma famille parce qu'ils sont en train de choisir Jésus-Christ. But he answered and said unto him that told me, who is my mother and who are my brethren? Praise the Lord. Hallelujah. I love his word so much. Amen. He's not a respecter of any person. Donc tu peux voir que Jésus-Christ répondit ici à l'homme qui lui disait cela, qui est ma mère et qui sont mes frères? Who can say this? Wer kann das sagen? Qui peut le dire aujourd'hui? Who can stand for Jesus and be radical for him? Wer kann für Jesus einstehen und radikal für ihn sein? Qui est capable d'être radical pour Jésus-Christ? Total submission also means to be radical for Christ Jesus. Vollkommene Hingabe heißt auch radical für Jesus Christus zu sein. Une soumission totale signifie aussi être radical pour Jésus-Christ. And he stretched forth his hand toward his disciples and said, behold my mother and my brethren. Praise the... I love him so much. Et tendant la main... So there are people hate him so much. Once he comes to this standard. And until you are here, you have not even started. We cry Jesus. Und ich liebe hier diesen Standard, hier was hier steht, weil Leuten gefällt das nicht, aber erst wenn du hier bist du angekommen. Hast du angefangen? Et étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Donc, il a fait voir vers les disciples parce qu'ils sont en train de choisir Jésus-Christ. Donc, les gens vont dire, mais ce standard ici, c'est trop haut. C'est vraiment en train d'exagérer. Mais si tu n'es pas arrivé à ce standard ici, quand tu arrives dans ce standard, c'est là que tu vas comprendre que tu as commencé avec le Christ. Verset 50. Verset 50. C'est ça, For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, because it's all about my Father. Es geht nur um meinen Vater, amen. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est lui et mon frère et ma sœur et ma mère. So also we, amen. Whosoever shall obey the voice of Christ, because it's all about Christ for me. Et Jésus-Christ a dit ça parce que lui, pour lui, il s'agit que de son Père, oui. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si les personnes choisissent l'Éternel comme nous, là, ils sont aussi notre famille, parce que pour nous, il s'agit que de notre Père. The same is my brother, my sister, and even my mother. God also is your mother. Donc Jésus-Christ nous appelle sa propre mère. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. What can you not leave for him? Was kann man für ihn nicht zurücklassen? Qu'est-ce que tu ne peux pas laisser derrière toi? Don't be sad in a second for choosing Christ Jesus. Keine Sekunde traurig, weil du dich für Christus Jesus entscheidest. Ne sois pas triste parce que tu es en train de choisir Jésus-Christ. Are you getting it? Amen. Amen. Amen. That it's all about him in your life. Nur um ihn geht in deinem Leben. Donc, il doit toujours, dans ta vie, tu dois toujours vouloir qu'il s'agisse de lui. People will hate you, there will be persecution upon persecution. Don't you love your wife? Don't you love your husband? Don't you love your mother? I don't love them with the love of this world. I love them with the love of Christ. Leute werden deine Liebe in Frage stellen und sagen, liebst du nicht deine Mutter, liebst du nicht deinen Vater, liebst du nicht deine Geschwister, aber ich liebe sie nicht mit der Liebe dieser Welt, sondern mit der Liebe von Christus Jesus. Les gens vont te demander, mais toi tu n'aimes pas ta famille, hein? Tu n'aimes pas ta mère, tu n'aimes pas tes frères et sœurs, et toi, tu dois savoir que oui, tu les aimes, mais tu les aimes avec l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't you love them? I love them, but not with the evil, well, with evil love. But with what Christ Jesus called love? Amen. What kind of love? Ich liebe sie nicht mit einer bösartigen Liebe, sondern mit der Liebe, die Christus Liebe nennt. Oui, je les aime, mais pas avec l'amour du diable. Je les aime avec l'amour divin, ce qui appartient au Christ. Amen. Amen. Let's us allow it to be Christ. Lass uns zulassen, dass es nur Christus ist. On doit vouloir qu'il s'agit de Jésus-Christ. We never regret choosing Christ. Wir werden niemals bereuen, uns für Christus entschieden zu haben. Et on va jamais regretter d'être capable. No one ever regrets choosing Jesus. Niemand bereut sich für Christus Jesus entschieden zu haben. La personne qui regrette de choisir Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if there is anything else, if you want to add, if you have anything to say, please go to